Christian Dior, tu me rejoins dès qu'il s'endort. Hardcore, je passe les rapports de la Ventador. J'ai des sous donc je suis un mec en or. Tu vois le genre, en Fendi, en Bandit, on grandit, jamais on oublie. On capule à la Ninjala qu'on s'en sorte. Faut que tu passes au Hazy. Hey, nonchalant, elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, je bouge la tête, je suis assis sagement, j'ai le flow. Ah, Tony Montana, Tony, Tony Montana. Tony Montana, nonchalant, elle danse sur du wesh alors. J'ai les poches remplies, j'bouge la tête, j'suis assis sagement, j'ai le flow. Ah, Tony Montana, Tony, Tony Montana, Tony Montana, Tony, Tony Montana. On gère le terrain et la communication comme Epifanio Vargas, A-L-O-N-Z, Frank Dish. Voilà l'affaire d'Al. Et le flow est tellement sale qu'il est dégueulasse. Yeah, yeah.